Alexandre Dumas. La marquise de Brinvilliers. Lu par Juliette pour audiocité.net. Vers la fin de l'année 1665, par une belle soirée d'automne, un rassemblement considérable était attroupé sur la partie du pont Neuf qui redescend vers la rue Dauphine. L'objet qui en formait le centre et qui attirait sur lui l'attention publique était un carrosse exactement fermé dont un exemple s'efforçait d'ouvrir la portière, tandis que des quatre sergents qui formaient sa suite, deux arrêtaient les chevaux en même temps que les deux autres contenaient le cocher, qui, sourd aux sommations faites, n'y avait répondu qu'en essayant de mettre son attelage au galop. Cette espèce de lutte durait depuis quelque temps déjà, lorsque tout à coup un des panneaux s'ouvrit avec violence et un jeune officier revêtu de l'uniforme de capitaine de cavalerie sauta sur le pavé, refermant du même coup la portière qui venait de lui donner passage. Mais, point si vivement encore, que ceux qui étaient les plus rapprochés n'eussent le temps de distinguer au fond du carrosse, enveloppée dans une mante et couverte d'un voile, une femme qui, aux précautions qu'elle avait prises de dérober son visage à tous les yeux, paraissait avoir le plus grand intérêt à rester inconnue. « Monsieur, » dit le jeune homme, s'adressant d'un ton hautain et impératif à l'exempt, « comme je présume qu'à moins de méprise c'est à moi seul que vous avez affaire, je vous prierai de me faire connaître les pouvoirs en vertu desquels vous avez arrêté ce carrosse où j'étais. Et maintenant que je n'y suis plus, je vous somme de donner l'ordre à vos gens de lui laisser continuer sa route. » « Et d'abord, » reprit l'exempt, sans se laisser intimider par ce ton de grand seigneur et en faisant signe au sergent de ne lâcher ni le cocher ni les chevaux, « ayez la bonté de répondre à mes questions. » « J'écoute, » dit le jeune homme, se faisant visiblement violence pour conserver son sang-froid. « Êtes-vous bien le chevalier Gaudin de Sainte-Croix ? « C'est moi-même. Capitaine au régiment de Tracy ?»« Oui, monsieur. Alors, je vous arrête, au nom du roi. » »« En vertu de quel ordre ?»« En vertu de cette lettre de cachet. » Le chevalier jeta un regard rapide sur le papier qu'on lui présentait, et ayant reconnu au premier coup d'œil la signature du ministre de la police, il ne parut plus préoccupé que de la femme qui était restée dans la voiture. Aussi revint-il aussitôt à la première demande qu'il avait faite. « C'est très bien, monsieur, » dit-il à l'exempt, « mais cette lettre de cachet porte mon nom seul, et je vous le répète, ne vous donne pas le droit d'exposer, comme vous le faites à la curiosité publique, la personne auprès de laquelle j'étais lorsque vous m'avez arrêté. Donnez donc, je vous prie, l'ordre à vos sergents de permettre à ce carrosse de continuer sa route, et conduisez-moi ensuite où vous voudrez. Je suis prêt à vous suivre. » Cette demande sembla juste, à ce qu'il paraît, à l'officier public, car il fit signe à ses gens de lâcher le cocher et les chevaux. Et ceux-ci, comme s'ils n'eussent de leur côté attendu que ce moment pour repartir, fendirent aussitôt la foule, qui s'écarta devant eux, et emportèrent avec rapidité la femme pour laquelle le prisonnier paraissait si préoccupé. De son côté, comme il l'avait promis, Sainte-Croix ne fit aucune résistance. Il suivit pendant quelques instants son guide au milieu du rassemblement, dont toute la curiosité paraissait ramenée sur lui. Puis, au coin du quai de l'horloge, un sergent ayant fait avancer une voiture de place qui était cachée, il monta dedans avec le même air hautain et dédaigneux qu'il avait conservé pendant tout le temps qu'avait duré la scène que nous venons de décrire. L'exempt se plaça près de lui, deux des sergents montèrent derrière, et les deux autres, en vertu des ordres qu'ils avaient probablement reçus de leur supérieur, se retirèrent en jetant au cocher cette dernière parole. « À la Bastille !» Maintenant, que nos lecteurs nous permettent de leur faire plus ample connaissance avec celui des personnages de cette histoire que nous mettons le premier en scène. Le chevalier Gaudin de Sainte-Croix, dont on ne connaissait pas l'origine, était, disaient les uns, le bâtard d'un grand seigneur, tandis qu'au contraire les autres prétendaient qu'il était né de parents pauvres et que, n'ayant pu supporter l'obscurité de sa naissance, il lui préférait un déshonneur doré en se faisant passer pour ce qu'il n'était pas. Tout ce que l'on savait donc de positif à cet égard, c'est qu'il était né à Montauban. Quant à son état actuel dans le monde, il était capitaine au régiment de Tracy. Sainte-Croix, à l'époque où s'ouvre ce récit, c'est-à-dire vers la fin de l'année 1665, pouvait avoir de 28 à 30 ans. C'était un beau jeune homme, d'une physionomie heureuse et pleine d'esprit, joyeux compagnon d'orgie et brave capitaine, faisant son plaisir du plaisir des autres et dont le caractère mobile entrait dans un dessein de pitié avec autant de joie que dans une partie de débauche. Facile d'ailleurs à se prendre d'amour, jaloux jusqu'à la fureur, fût-ce d'une courtisane lorsque cette courtisane lui avait plu. D'une prodigalité princière sans que cette prodigalité fût appuyée sur aucun revenu. Enfin, sensible à l'injure, comme tous ceux qui, placés dans une position exceptionnelle, pensent sans cesse que tout le monde, en faisant allusion à leur origine, a l'intention de les offenser. Maintenant voici par quelle suite de circonstances il en était arrivé où nous le prenons. Vers 1660, Sainte-Croix, étant à l'armée, avait fait la connaissance du marquis de Brinvilliers, maître de camp au régiment de Normandie. Leur âge, qui était à peu près le même, leur carrière qui les conduisait dans une voie pareille, leurs qualités et leurs défauts, qui étaient semblables, avaient bientôt changé cette simple liaison en une amitié sincère. De sorte qu'à son retour de l'armée, le marquis de Brinvilliers avait présenté Sainte-Croix à sa femme et l'avait établie en sa maison. Cette intimité n'avait point tardé à amener les résultats ordinaires. Madame la marquise de Brinvilliers était alors âgée de 28 ans à peine. En 1651, c'est-à-dire 9 ans auparavant, elle avait épousé le marquis de Brinvilliers, qui jouissait de 30 000 livres de rente et auquel elle avait apporté 200 000 livres de dot, sans compter l'espérance de sa portion héréditaire. Elle se nommait Marie-Madeleine. Elle avait 2 frères et 1 sœur, et son père, Monsieur de Dreux d'Aubray, était lieutenant civil au Châtelet de Paris. À l'âge de 28 ans, la marquise de Brinvilliers était dans tout l'éclat de sa beauté. Sa taille était petite, mais parfaitement prise. Son visage arrondi était d'une mignardise charmante. Ses traits, d'autant plus réguliers qu'ils n'étaient jamais altérés par aucune impression intérieure, semblaient ceux d'une statue qui, par un pouvoir magique, aurait momentanément reçu la vie. Et chacun pouvait prendre pour le reflet de la sérénité d'une âme pure cette froide et cruelle impassibilité qui n'était qu'un masque à couvrir le remords. Sainte-Croix et la marquise se plurent à la première vue et bientôt furent amants et maîtresses. Quant au marquis, soit qu'il fût doué de cette philosophie conjugale sans laquelle il n'y avait point de goût à cette époque, soit que les plaisirs auxquels il s'abandonnait lui-même ne lui donnassent pas le loisir de s'apercevoir de ce qui se passait presque sous ses yeux, il n'apporta, par jalousie, aucun empêchement à cette intimité et continua les folles dépenses par lesquelles il avait déjà fortement entamé sa fortune. Bientôt, ses affaires se dérangèrent tellement que la marquise, qui ne l'aimait plus et qui, dans toute l'ardeur d'un nouvel amour, désirait une liberté plus grande encore, demanda et obtint une séparation. Dès lors, elle quitta la maison conjugale et, ne gardant plus de mesures, se montra partout et publiquement avec Sainte-Croix. Ce commerce autorisait au reste, par l'exemple des plus grands seigneurs, ne fit aucune impression sur le marquis de Brinvilliers, qui continua de se ruiner gaiement, sans s'inquiéter de ce que faisait sa femme. Mais il n'en fut point ainsi de M. de Dreux-Daubray. Il avait conservé les scrupules de la noblesse de robe. Scandalisé des désordres de sa fille, et craignant qu'en rejaillissant sur lui, il ne fisse tache à sa réputation, il obtint une lettre de cachet qui l'autorisait à faire arrêter Sainte-Croix partout où celui qui en serait porteur le rencontrerait. Nous avons vu comment elle fut mise à exécution au moment même où Sainte-Croix était dans le carrosse de la marquise de Brinvilliers, que nos lecteurs ont sans doute déjà reconnue, dans la femme qui se cachait avec tant de soin. On comprend, avec le caractère de Sainte-Croix, quelle violence il dut se faire à lui-même pour ne point se laisser emporter à sa colère lorsqu'il se trouva ainsi arrêté au milieu de la rue. Aussi, quoique pendant le trajet, il ne prononça point une seule parole, il était facile de s'apercevoir qu'un orage terrible s'amassait dans son âme et ne tarderait point à éclater. Cependant, il conserva la même impassibilité qu'il avait montrée jusqu'alors, non seulement lorsqu'il vit s'ouvrir et se refermer les portes fatales qui, comme celles de l'enfer, avaient si souvent commandé à ceux qu'elles engloutissaient de laisser l'espérance au seuil, mais encore en répondant aux questions d'usage que lui adressa le gouverneur. Sa voix demeura impassible, et ce fut sans que sa main tremblât qu'il signa le registre d'écrou qui lui fut présenté. Aussitôt, un geôlier, après avoir pris les ordres du gouverneur, invita le prisonnier à le suivre, et après quelques détours dans ces corridors froids et humides, où le jour pénétrait parfois, mais jamais l'air, il ouvrit la porte du deux-chambres, où Sainte-Croix fut à peine entrée, qu'il entendit la porte se refermer derrière lui. Au grincement des verrous, Sainte-Croix se retourna. Le geôlier l'avait laissé sans autre lumière que celle de la lune, qui, se glissant à travers les barreaux d'une fenêtre élevée de 8 ou 10 pieds, tombait sur une mauvaise couchette qu'elle éclairait, rejetant tout le reste de la chambre dans une obscurité profonde. Le prisonnier s'arrêta un instant, debout et écoutant, puis, lorsqu'il eut entendu les pas se perdre dans l'éloignement, certain enfin d'être seul et arrivé à ce degré de colère où il faut que le cœur éclate ou se brise, il se rua sur le lit avec un rugissement qui appartenait plutôt à une bête fauve qu'à une créature humaine. Maudissant les hommes qui venaient ainsi le prendre au milieu de sa joyeuse vie pour le jeter dans un cachot, maudissant Dieu qui l'ait laissé faire et appelant à son aide toute puissance, quelle qu'elle fût, qui lui amènerait la vengeance et la liberté. À l'instant même, et comme si ses paroles l'eussent tiré du sein de la terre, un homme maigre, pâle, aux cheveux longs et vêtu d'un pourpoint noir, entra lentement dans le cercle de lumière bleuâtre qui tombait de la fenêtre et s'approcha du pied du lit sur lequel était couchée Sainte-Croix. Si brave que fût le prisonnier, cette apparition répondait tellement à ses paroles que, dans cette époque où l'on croyait encore au mystère de l'incarnation et de la magie, il ne douta point un instant que cet ennemi du genre humain qui tourne sans cesse autour de l'homme ne l'eût entendu et ne vint à sa voix. Il se souleva donc sur son lit, chercha machinalement la poignée de son épée à la place où, 2 heures auparavant, elle était encore, et sentant, à chaque pas que l'être mystérieux et fantastique faisait vers lui, ses cheveux se dressaient sur son front et une sueur froide pointée à leurs racines et découlait sur son visage. Enfin, l'apparition s'arrêta et le fantôme et le prisonnier restèrent un instant en silence et les yeux fixés l'un sur l'autre. Alors, l'être mystérieux prit le premier la parole et d'une voix sombre, « Jeune homme, lui dit-il, tu as demandé à l'enfer un moyen de te venger des hommes qui t'ont proscrit et de lutter contre Dieu qui t'abandonne. Ce moyen, je l'ai et je viens te l'offrir. As-tu le courage de l'accepter ? Mais auparavant, demanda Sainte-Croix, qui es-tu ? Qu'as-tu besoin de savoir qui je suis ? Reprit l'inconnu. Du moment où je viens quand tu m'appelles et où je t'apporte ce que tu demandes. N'importe, répondit Sainte-Croix, pensant toujours avoir affaire à un être surnaturel. Quand on a fait un pareil pacte, on n'est point fâché de savoir avec qui l'on traite. Eh bien, puisque tu veux le savoir, dit l'étranger, je suis l'Italien Exili. Sainte-Croix sentit un nouveau frisson courir dans ses veines, car il passait d'une vision infernale à une réalité terrible. En effet, le nom qu'il venait d'entendre était alors affreusement célèbre, non seulement par toute la France, mais encore par toute l'Italie. Chassé de Rome sous la prévention d'empoisonnements nombreux dont on avait pu se procurer les preuves, Exili était venu à Paris où bientôt, comme dans son pays natal, il avait fixé sur lui les regards de l'autorité. Mais, pas plus à Paris qu'à Rome, on avait pu convaincre le disciple de René et de la Tronfana. Cependant, quoiqu'il n'y eût point de preuves, il y avait une conviction morale assez grande pour qu'on n'hésitât point à le décréter d'arrestation. Une lettre de cachet fut donc lancée contre lui, et Exili, arrêté, avait été conduit à la Bastille. Il y était depuis 6 mois environ lorsque Sainte-Croix y fut menée à son tour. Comme à cette heure les prisonniers étaient nombreux, le gouverneur avait fait conduire son nouvel hôte dans la chambre de l'ancien et il avait réuni Exili à Sainte-Croix sans penser qu'il accouplait deux démons. Maintenant, nos lecteurs comprennent le reste. Sainte-Croix était entrée dans cette chambre où le geôlier l'avait laissée sans lumière. Et où, dans l'obscurité, il n'avait pu distinguer un second commensal. Il s'était alors livré à sa colère, et ses imprécations, ayant révélé à Exili sa haine, celui-ci avait saisi cette occasion de se faire un disciple puissant et dévoué, qui, une fois sorti, lui fit ouvrir les portes à son tour, ou qui le vengea du moins s'il devait rester éternellement prisonnier. Cette répugnance de Sainte-Croix pour son compagnon de chambrée ne fut pas longue, et le maître habile trouva un digne écolier. Sainte-Croix, avec son étrange caractère, composé de bien et de mal, assemblage de qualités et de défauts, mélange de vices et de vertus, en était arrivé à ce point suprême de sa vie où les uns devaient l'emporter sur les autres. Si dans l'état où il était, un ange l'eût pris, peut-être l'eût-il mené vers Dieu. Ce fut un démon qu'il rencontra. Le démon le conduisit à Satan. Exili n'était pas un empoisonneur vulgaire. C'était un grand artiste en poison, comme en avaient fait les Médicis et les Borgia. Pour lui, le meurtre était devenu un art, et il l'avait soumis à des règles fixes et positives. Aussi en était-il arrivé à ce point que ce n'était plus l'intérêt qui le guidait, mais un désir irrésistible d'expérimentation. Dieu a réservé la création pour la seule puissance divine et a abandonné la destruction à la puissance humaine. Il en résulte que l'homme croit se faire l'égal de Dieu en détruisant. Tel était l'orgueil d'Exili, sombre et pâle alchimiste du néant, qui, laissant aux autres le soin de chercher le secret de la vie, avait trouvé celui de la mort. Sainte-Croix hésita quelque temps, mais enfin, il céda aux railleries de son compagnon, qui, accusant les Français de mettre de la bonne foi jusque dans leurs crimes, les lui fit voir presque toujours enveloppés eux-mêmes dans leur propre vengeance et succombant avec leur ennemi, tandis qu'il pourrait lui survivre et insulter à sa mort. En opposition avec cet éclat qui souvent attire au meurtrier une mort plus cruelle que celle qu'il donne, il montra la ruse florentine avec sa bouche souriante et son poison implacable. Il lui nomma ses poudres et ses liqueurs, dont les unes sont sourdes et consume dans des langueurs si lentes que le malade meurt avec de longues plaintes, et dont les autres sont si violentes et si rapides qu'elle tue comme la foudre sans laisser le temps à celui qu'elle frappe de jeter un cri. Peu à peu, Sainte-Croix se prit d'intérêt pour ce jeu terrible qui met la vie de tous dans les mains d'un seul. Il commença par partager les expériences d'exilés, puis, à son tour, il fut assez habile pour en faire lui-même. Et lorsqu'au bout d'un an il sortit de la Bastille, l'élève avait presque égalé le maître.